Ja, ganz klar, es ist ein Prozess, ne? Von einer Etappe zur nächsten. Et on peut voir que c'est un process et tu avances toujours peu à peu. Amen. Amen. You know, don't walk my cousin. You know them already. Was der Mensch Sünde nennt, wir wissen das schon. Et à ce que l'homme appelle un péché, on le connaît déjà. Amen. Amen. They never affect Christ towards you. But they will affect you. They never affect. Christ never see them. It's not affecting him, but it will affect you. Es wird ihn nicht beeinflussen, aber es wird dich beeinflussen und dadurch diese They never affect Christ towards you, but they will affect you towards Christ. Ja, es beeinflusst nicht Christus gegenüber dir, sondern es beeinflusst dich gegenüber Christus. Donc les péchés naturels ne vont pas affecter le Christ envers toi, mais ça va t'affecter envers le Christ. Amen. Amen. He said, shall we continue sin so that grace may abound? He said, no. Yeah. Are you getting it? Er hat gesagt, sollen wir in der Sünde weitermachen, damit die Gnade umso größer in unserem Leben erscheint? Nein, sicherlich nicht. Mm. Et même Paul a dit, est-ce qu'on doit continuer avec le péché pour que le péché, la grâce devienne de plus en plus grande dans notre vie? Non. Christ never see them, but you will keep on seeing them. Denn Christus sieht das nicht. So ist evil. Aber du wirst es immer wieder sehen. Le Christ ne voit pas ses péchés naturels, mais c'est toi qui vas continuer à voir ces choses. Without Christ, you know, the past evil will follow you. Denn ohne Christus wird das vergangene Böse dir hinterher folgen. Parce que sans le Christ, ton passé va toujours te suivre. Amen. Amen. Without Christ, the past, you know, the past, boyfriend, girlfriend, will always be there. And they will fight you. Ohne Christus wird diese vergangene Beziehung dir im Nacken sein. Ne? Es wird dir nachfolgen. Du wirst davon träumen. People, you are not married. They will fight you. Es wird immer noch da sein, ein Teil deiner Erinnerung sein. Ne? Et oui, le fait que tu avais des relations avant le Christ, que tu avais des copines, des copains, ça va te suivre toujours, même si quand tu es marié. You compare your husband to them. You compare your wife to them. Vergleichst deinen Ehepartner mit diesen Menschen aus der Vergangenheit. Tu compares ta femme ou ton mari à tes copines ou bien copains que tu avais au passé. We thank the Lord for Christ Jesus. Aber wir danken dem Herrn für Christus Jesus. Mais on remercie l'Éternel pour Jésus-Christ. That now make us to become a newborn baby. Der uns zu neugeborenen Babys macht. Once we come to him. Wenn wir zu ihm kommen. Qui nous change, qu'on devient des bébés qui sont nés de nouveau. Amen. He renew us. Amen. Il nous renouvelle complètement. Amen. Praise the Lord. We are not like somebody that is just, you know, that never even have anything of the past. Wir sind dann so wie Leute, die noch nie was von der, also die gar nicht mehr zu dieser Vergangenheit gehören, die gar nicht mehr, also if we surrender everything to him. Wenn wir ihm alles übergeben. Et nous sommes comme des nouvelles personnes qui sont comme les gens qui n'avaient même pas l'expérience au monde, mais c'est seulement quand on se soumet complètement à Jésus-Christ. He wants us to submit everything. Aber er will, dass wir ihm erstmal alles übergeben. Mais il veut qu'on se soumet complètement à lui. That's how we can remove those past, the past evil that we have been through away from us. So kann er das vergangene Böse von uns wegnehmen, das wir durchgemacht haben, wo wir uns befunden haben. Et c'est seulement comme ça qu'on comment Jésus-Christ peut enlever tous tes passés dans ta vie. Because there was a part, there was a time when we did not know him. Es gab eine Zeit, als wir nicht kannten. Parce qu'il y avait un temps qu'on ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Amen. Amen. Well, we know that now, you know those things that Satan will always remind you of them. Sagt, he will always want you to now be present in your life. An diese Dinge erinnern und will, dass du dich damit immer noch identifizierst, dass es immer noch für dich gegenwärtig ist. Et le diable va toujours te rappeler au passé les choses que tu as fait pour que ce soit toujours présent dans ta vie. Praise the Lord. Ephesians 4. From verse 17. Ephesians 4, verse 17. So this I say therefore, and testify in the Lord, that you henceforth walk not as other Gentiles walk. In the vanity of their mind. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The old walking, the whole walk that you walk. Amen. Dieses alte Wandeln, die Nichtigkeit unseres Sinnes. Und er kriegt sie, que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Walk no more like the old. Du sollst nicht mehr so wie die Alten wandeln. On ne doit plus marcher comme l'ancien. The old, it was all about you, but the new is about Christ. Im alten Leben ging es nur um dich, aber jetzt im neuen Leben geht es nur um Christus. Et dans l'ancien, il s'agissait seulement de toi, mais maintenant il s'agit seulement de Jésus Christ. Amen. Amen. Again, this I say, therefore, and testify in the Lord, that you henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart, who being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness. To walk all uncleanness and greediness. Praise the Lord. Hallelujah. Walk no more like them. Wandle nicht mehr so wie sie. Ne marche plus comme eux. Amen. Amen. They walk in their lust. Sie wandeln in ihrer Lust. Ils marchent dans leur désir. Amen. Amen. They walk by feelings. Sie wandeln nach ihren Gefühlen. Ils marchent selon leurs sentiments. They walk by their five senses. Sie wandeln nach ihren fünf Sinnen. Ils marchent selon leurs cinq sens. Amen. Amen. Without lust, Satan cannot tempt you. Ohne diese Gier kann der Satan dich nicht versuchen. Et sans ces désirs, le diable ne peut pas te tenter. Put something here, go to James 1, please. Jakobus 1. On va lire Jacques 1. Praise the Lord. Hallelujah. Without lust, Satan cannot tempt you. Ohne Gier kann der Satan dich nicht versuchen. Hast du diese Gier? Et sans ces désirs, le diable ne peut pas te tenter. Donc déteste ces désirs. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. James 1, please. Jacques 1. From verse 12 again to 15. 12 to 15. Verset 12 à 15. He said, blessed is the man that endure temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord has promised to them that love him. Here he's talking about that the temptation from the Lord. Hier geht's um die Anfechtung the trial des Herrn. From the Lord. Die Versuchung des Herrn. Et dans verset 12, Jacques parle de la tentation qui vient de l'Éternel et pas du monde. Amen. Amen. Verse 12 is talking about the temptation that comes from the world. Because if you believe the world will try you. The word of Christ that you believe is going to try you. Just like it tried Joseph. Amen. In Vers 12 geht es um die Versuchung, die aus dem Wort kommt. Weil wenn du an das Wort glaubst, wird dieses gleiche Wort dich auch versuchen. Et la tentation, ça vient de la parole que tu crois. Parce que quand tu crois à Jésus-Christ et à sa parole, il va toujours t'éprouver. Et c'est ça pourquoi la tentation vient aussi, mais ce n'est pas la tentation de ce monde. You have a lot of fingers. So let's put another finger here, please. Go to Psalm 105, verse 19. On va lire Psaume 105. Praise the Lord. Amen. Amen. Psalm 105, verse 19. Psalm 105, verse 19. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Who is that place? Verse 19 says, until the time that the word came, 19. The word of the Lord tried him. The word of the Lord tried das Joseph. Wort des Herrn hat Joseph geprüft, geläutert. Mm-hmm. Donc, verset, la parole de Dieu a tenté à éprouver Joseph. The word of the Lord never tried you to steal, kill and destroy you. Das Wort des Herrn prüft dich nicht, um zu töten und von dir zu stehlen, zu zerstören. Mm-hmm. Donc, la parole de Dieu ne t'éprouve pas, ne te tente pas pour te détruire ou voler de toi. Amen. On rentre maintenant à Jacques 1. Amen. If you also remember that of Abraham. Amen. He said the Lord tempted Abraham. Der Herr versuchte ihn. Amen. Not to steal, kill and destroy him. Nicht um von ihm zu stehlen, zu töten, zu zerstören. Et même dans Genèse, on a écrit que Dieu a tenté Abraham, mais c'était pas pour lui détruire. Amen. Amen. Back to James 1, please. Jakobus 1. Jacques 1. Verse 13 now. 13. He said, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. Mm-hmm. For God cannot be tempted with evil. Amen. Neither tempt he any man. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He tempt, but he never tempt with evil. Er versucht, to steal and kill and destroy you. Zu töten, but stehlen, to bring you for that to himself. Und dich ernährt, zu ihm selbst zu bringen. Donc quand Dieu te tente, il ne te tente pas avec le mal pour te détruire. Non, c'est pour que tu viennes même de plus, tu deviens même plus proche à Dieu. Amen. Verse 47, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Your lust Deine and your enticed. Amen. Donc tes désirs et ta convoitise. Amen. Then when lust heart conceived, it bring forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Praise the Lord. Amen. Please go back to Ephesians. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Temptation through your lust will destroy you. Versuchung durch deine Lust wird dich zerstören. La tentation à cause de tes désirs, ça va te détruire. Ephesians 4 said, stop walking like them. Ephesians 4, wir sollen aufhören, so wie sie zu wandeln. Et Ephesians 4 nous dit qu'on va arrêter de marcher comme eux. Amen. Amen. They walk in their lust. Die wandeln in ihrer Lust. Parce qu'ils marchent dans leur désir. Amen. Amen. Galatians 5:25 said, walk in the spirit. Galatians 5:25 steht, wandle im Geist. Et Galates 5, verset 25 nous dit qu'on doit marcher dans l'esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Ephesians 4 again, please. Ephesians 5. Ephesians 4. Amen. Amen. Verse 15. Verse 15. It says, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness to walk all uncleanness with greediness. Verse 20. 20. But you have not so learned Christ. Mm-hmm. Christ was here. Jesus was Christus here. He was not like that. Er war hier auf Erden und er war nicht so. Et quand le Christ était ici sur terre, nous n'avons pas appris l'Éternel comme ça. The Bible said there was no sin in him. Die Bibel sagt, es gab keine Sünde in ihm. Et la Bible nous dit qu'il n'avait aucun péché en Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If so be, verse 21. Verse 21. That you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Praise the Lord. Donc des désirs et des convoitises trompeuses. Amen. Amen. If you are in lust, if you are after lust, or you are in lust of something, please bring it out. Wenn du in der Don't keep it to yourself. Nach etwas bist, dann behalte das nicht für dich, dann bitte bringe das ans Licht, entblöße es. Et quand tu as des convoitises et des désirs trompeuses, là tu dois les les mettre ouvert dans l'église. Amen. Amen. Say it to the church. Sag es der Gemeinde. Et tu dois les dire à l'église. Bring it out, don't keep it to yourself. Satan will use it. He loves lust. Bring es raus. You walk a lot through lust. Behalte es nicht für dich, denn der Satan arbeitet sehr stark durch diese Lust. Mm. Et ne garde pas ce problème pour toi-même, parce que le diable il va toujours travailler à travers ses désirs, parce qu'il aime des secrets. Until you are occupied with lust, Satan cannot tempt you. Weil erst wenn du umgeben bist von dieser Lust, dann kann der Satan dich auch versuchen. Parce que seulement quand tu es tenté avec tes désirs, avec tes convoitises, c'est là où le diable peut te tenter. Expose Satan. Exposing Satan. Tu dois exposer le diable. Because he is the author of that lust. Denn er ist der Autor dieser Lust. Parce qu'il est l'auteur de ses convoitises. Once you expose him, it's over with him. Wenn du ihn nämlich exposes, ist es vorbei mit ihm. C'est quand tu exposes le diable, là, c'est fini avec lui. He loves secrets. Denn er liebt Geheimnisse. Il aime les secrets. The Bible calls him the Prince of Darkness. Die Bibel nennt ihn den Fürst der Dunkelheit. Et le diable lui appelle le Prince. Amen. So, la Bible l'appelle le prince du ténèbres. He will want you to keep that lust to yourself. Er will, dass du diese Lust für dich behältst. Et il veut que tu gardes ces désirs pour toi-même. Amen. Mm-hmm. He will want you to ignore it. Dass du es ignorierst. Et il veut que tu l'ignores aussi. The Bible never tells us to ignore any sicknesses and diseases. La Bible sagt uns, dass wir Krankheiten und Seuchen ignorieren. Don't ignore any Satan. Don't ignore any spirit that comes to you. Sondern cast him out. Wir sollen es austreiben. Wir sollen jeglichen Geist austreiben, der nicht von Christus ist. Wir sollen ihn nicht einfach unterm Bett verstecken oder ihn einfach ignorieren. Et Jésus-Christ dit qu'on n'a jamais ignoré l'esprit des désirs dans nos vies parce que le diable aime les secrets. Amen. Amen. I can remember some days ago, you know, something just came here this side as I was in the kitchen. There was a heavy headache here on this side. It's as if something just attacked. I spoke to it. I said, I send you back to where you are coming from. Mm-hmm. There's no sicknesses and diseases in heaven. Amen. Then he left. Mm-hmm. Later, really, I felt it again. Then I spoke to it again. It was over. Mm-hmm. Amen. Amen. You don't ignore things. Mm-hmm. He said, cast them out. Yeah. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor ein paar Tagen, dass ich auf einmal so einen Schmerz im Kopf hatte und ich habe das direkt attackiert, habe das direkt an meinen Kopf angefasst und das direkt verweigert in Jesus Namen, ne? Das ausgetrieben in Jesus Namen. Ich habe den Schmerz einfach ignoriert oder hingenommen. Ich c'est la même chose avec par exemple quelques jours passés, j'avais des attaques, j'avais mal à la tête et directement j'ai parlé à cette mal et c'est là où ça fuit, ça pouvait cette douleur, j'avais des douleurs, puis ça m'a attaqué et directement j'ai rejeté puis prié contre ça, c'est la même chose même avec des désirs qui sont charnels complètement. Si ça vient, si ça t'arrive, tu dois l'exposer, puis parler aussi et pas l'ignorer. Amen. Amen. If you have any spirit of lust in you, walking in you, don't ignore it. Don't ignore it. That spirit, you know, no flesh can defeat it. Don't ignore it. Ignoriere das nicht. Et si tu as aussi un esprit de désir, là, n'ignore pas ce fait, mais tu dois agir selon cette chose. If you keep it to yourself, it's going to be a fruit. Weil wenn du es für dich behältst, wird es Frucht bringen. Es ist immer eine Frage der Zeit. Et quand tu les gardes pour toi-même, ça va aussi amener des fruits. C'est seulement une question de temps. The more it comes, the more you expose it. Umso mehr das kommt, umso mehr entblößt du das. Et toujours quand tu ça vient, tu vas toujours l'exposer. And the more you cast him out. Umso mehr treibst du das aus. Et c'est toujours quand et c'est là aussi tu les chasses. And destroy him. Und zerstörst du. Et tu les détruis. Praise the Lord. Hallelujah. We close with this, please. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please, Papa, you can tell your testimony then close. Amen.